طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ما زلنا في باب ماذا؟ الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. نعم، نحن ما زلنا في هذا الباب. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد ابن بشار، وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة، قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. À partir de là, comme quoi ce tabi'in qui est Abi Jamra, il dit qu'il faisait la traduction pour Abdullah ibn Abbas et les gens qui venaient à sa rencontre, à la rencontre d'Abdullah ibn Abbas. Donc ce tabi'in, Abi Jamra, il traduit pour Ibn Abbas les questions des gens. مفهوم؟ نعم. قال: فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر. Donc il y a une femme qui est venue et qui a posé la question à Ibn Abbas au sujet du nabidh. Nabidh al-jar. Yani c'est le nabidh, c'est comme on a vu un mélange de d'eau avec un des fruits, soit la date, soit autre chose, le raisin. Al-Muhim, c'est de l'eau mélangée avec un quelconque fruit, qui peut, si toutefois le mélange est effectué au soleil, peut devenir une boisson alcoolique. Alcoolisé plutôt. فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Abdullah ibn Abbas, lorsqu'on lui a posé la question au sujet de Nabidh, il a répondu que la tribu de Abd al-Qais s'est présentée au prophète صلى الله عليه وسلم, comme on a vu dans le hadith précédent. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم. C'est-à-dire quand il a vu ce groupe de gens arriver, il a demandé qui est ce peuple, qui sont ces gens. فقالوا ربيعة. Donc ils ont dit qu'ils sont de la tribu de ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. Donc le prophète Hassan dit: bienvenue au peuple, bienvenue à ce peuple ou bienvenue à ce groupe, غير خزايا, qui ne perdront rien et qui ne regretteront rien. Le prophète Hassan, dès qu'il les a vus, il les a accueillis par ces paroles-là. نعم. قال فقالوا يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة. Donc ils ont dit au prophète: nous on vient d'une contrée lointaine et avec de dures difficultés. Et avec difficulté. Et entre nous et toi, il se trouve ce cette tribu de Kuffar de Mudar. Tribu de Mudar. Wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahr al-haram. Et nous, on ne peut pas arriver arriver jusqu'à toi, si ce n'est, c'est-à-dire en étant en paix, si ce n'est durant les mois sacrés. Famurna bi amrin fasl. Ordonne-nous une amr fasl, c'est-à-dire un ordre clair, bayin. Nukhbiru bihi man wara'ana. Et de par lequel on informera ceux qui sont restés derrière nous. Wa nudkhilu bihi al-janna. Et ainsi on entrera au paradis. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. Donc il leur a ordonné quatre choses et leur a interdit quatre choses. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. Donc il leur a ordonné la foi en Allah seul. وقال هل تدرون ما الإيمان بالله. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم il leur dit est-ce que vous savez qu'est-ce que la foi en Allah. قالوا الله ورسوله أعلم. Ils ont dit « Allah et son messager est plus savant ». Qala, et donc le prophète de reprendre et de dire « Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulallah wa iqami salah wa ita'i zaka wa sawmi ramadan wa an tuaddu khumusan min al maghnam ». Naam. Donc, le prophète, il reprend et il dit c'est que tu yani la foi en Allah, c'est que tu attestes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration autre que lui et que Mohammed est son messager, ainsi que tu accomplisses la salat, tu t'acquittes de la zakat et que tu jeûnes le jeûne du mois du Ramadan, ainsi que vous donniez le cinquième du butin, vous restituez le cinquième du butin. Wa nahahum 'ani ad-dubba والحنتم والمزفة والمزفات. قال شعبة وربما قال النقير وقال شعبة وربما المقير. Donc ça c'est des hésitations qu'a eu le rapporteur du hadith, et on a vu dans l'autre hadith comme quoi il a bien dit aussi النقير والمقير. Donc là إشكال, donc il y a pas de problème, comme quoi ces deux appellations qui sont des appellations de récipients. Hein? Ce sont des récipients qui ont une composante qui attire la chaleur. Naam. طيب. قال وقال احفظوه واخبروا به من وراءكم. Donc le prophète Hassan, il leur demande de mémoriser ce qu'il vient de leur dire et de qu'ils informent ceux qui sont restés derrière eux. Wa qala Abu Bakr fi riwayatihi man wara'akum. On a c'est min wara'akum wa riwayat Abu Bakr man wara'akum. Wa laysa fi riwayatihi al-muqayyar. L'imam Muslim كثير ما ياتي بهذه ال يعني الماذا الذكر الدقيق. C'est-à-dire l'imam Muslim, parmi les choses où il a excellé plus que le Bukhari, c'est quand il vient avec une précision yani énorme dans le rapport du hadith. Par exemple, au début, il a commencé à te dire le sanad, il dit Haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba. Donc, m'a informé Abu Bakr ibn Abi Shayba. ومحمد ابن المثنى اي محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار. Donc là il y a combien de personnes qui ont informé l'imam Muslim? 3 personnes. تمام. ثم قال والفاظهم متقاربه. Il dit et leurs paroles elles sont proches. Les mots qu'ils ont employés dans le hadith, ils se ressemblent les uns aux autres. Tu vois? Dans les trois versions de ces trois personnes, elles sont proche. Après, il te dit « Qala Abu Bakr ». Donc ça, c'est le premier qui lui a rapporté. « Haddathana Gundar an Shu'bah ». Donc, il te ramène le sanad de Abu Bakr. Et ensuite il dit wa qala al-akharani. Et les deux autres, eux, leur sanad c'est hadathana kada wa kada wa kada. Wa hadhihi al-ashya ma tara kathiran fi al-Bukhari. Amma fi 'inda Muslim fa huwa yukthir min diqqat al c'est la précision. Il va te dire le hadith, donc il vient de cette... Ici, il y a trois personnes qui ont rapporté le hadith. Il te ramène le hadith et il va te dire, cette version-là, c'est la version de un des trois, maintenant. Ou il va te dire, c'est un des... ou deux des trois. Araftum ? Naam. Et à la fin, par exemple, là, à la fin, il dit « Wa qala Abu Bakr fi riwayatihi man wara'akum » Et dans l'autre version, c'est « min wara'akum » فرق بسيط بين الفتحة والكسرة من وراءكم ومن وراءكم فالإمام مسلم يعتني بهذا فقالوا لإمام مسلم أدق il est plus précis dans le hadith il vient avec le hadith qui يعني comme il a été rapporté tandis que l'imam al-Bukhari قد يروي بالمعنى il se peut qu'il rapporte dans le sens du hadith نعم وهذا جائز وهذا جائز نعم طيب اصلا هذا الحديث قد تقدم والحديث الذي بعده قال الامام مسلم وحدثني عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي حاء وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال اخبرني ابي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس يقول الحديث لا يكمل partir de là عن ابن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث donc il rapporte le même hadith qu'on vient de voir c'est-à-dire le groupe de Wafd ibn Abd al-Qais Wafd Abd al-Qais qui s'est présenté au prophète عليه الصلاة والسلام Et le prophète Sassam, il leur a ordonné quatre choses. C'est qui se rappelle ces quatre choses? Amtoumina billah. Taïb. Qala amtoumina billah, thumma ba'de... As-salah. Allez, continue. Zaka. Ouais, naam, naam, ahsant. Cinquième du butin. Naam. Donc, après, ils ont évoqué le hadith. Wa nahwu hadith shu'ba. Wa qala anhaakum an amma yunbadhu fihi ad-dubba amma yunbadhu fi ad-dubba wal naqir wal hantam wal mazaffat. Yani, c'est le même hadith que taqaddam. الذي كي باسي وزاد ابن معاذ في حديثه عن ابيه اي دونك لا ان دي رابورتور il a un rajout qui est important قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس نعم اي دونك le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit à cette personne là qui s'appelle Ashadj Ashadj Abd al-Qais, c'est un surnom. Al-Ashadj, c'est quelqu'un qui a une cicatrice sur le visage. Naam. Donc le prophète, il dit à cet homme-là, Inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah. Il y a en toi deux caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Qala al-hilm wal-ana. Al-hilm ou al-ana. Al-hilm, on traduirait ça par la douceur. Hein? La douceur. Ou al-ana, yani la tranquillité. Ça, c'est deux critères qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Fayambari lil muslim an yatakhallaq bi hadaini as-sifataini al-hamidain. Donc, il convient aux croyants d'avoir comme comportement, ces deux sifat. Al-hilm wal-ana. Wa yadhkuruna أن الحلم هو يعني عدم الاستعجال في العقوبة. Ils disent que le hilm, c'est le fait de ne pas se précipiter à châtier. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un t'a fait du tort, bil kalam. Ou anta la tasta'jil fil uquba. Tu ne te précipites pas directement à te venger. Ça, c'est le hilm. C'est-à-dire que c'est comme la douceur, comme le rifq, lakin fi shay za'ed. وهو يعني ماذا عدم الاستعجال في العقوبة. C'est-à-dire il se précipite pas à se venger. نعم. بس impatient. والأنا الأنا هو ماذا أن لا يسرع في الحكم على الأشياء. سبحان الله. الأنا c'est-à-dire c'est le fait de ne pas se précipiter sur le jugement des choses, sur le jugement d'une personne, sur le jugement d'une chose, quelle qu'elle soit. Mais il prend son temps, c'est-à-dire, il prend du recul. C'est pas, il se précipite. Fulan, il m'a mal parlé, ah, Fulan, kada ou kada. Fulan, il a fait, ah, Fulan, dak. Là. Bel yasber. Bel yasber. C'est la tranquillité, ça ? Ouais. نعم. Donc le hilm يعني أن لا يسرع في العقوبة. Donc le hilm c'est qu'il ne se précipite pas dans à se venger. والأنا أن لا يسرع في الحكم على الأشياء. Qu'il ne se précipite pas sur les jugements d'une chose. وهذا كثير ما نحتاج إليه. لا سيما في زمننا هذا. تسمع هنا أقاويل وتسمع هنا أقاويل وربما إذا تستعجل تقول هذا مبتدع أو هذا كذا وهذا تعبان وهذا كذا ففي بعض الأمور يحتاج إلى تاني يحتاج إلى هدوء c'est-à-dire que on a besoin de ce genre de comportement dans la communauté surtout à notre époque. La personne, si elle ne fait pas preuve de retenue et d'apaisement et de tranquillité, elle va vite fait se précipiter à, soit à parler sur les gens, ou soit à, ne serait-ce que même dans le comportement. Celui qui n'est pas dépourvu de... ou qui n'est pas... Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accordé cette qualité, tu vas le voir, il est munfa'il. Toujours, soit il s'énerve rapidement, soit... Il ne mesure pas la parole de ce qu'il va dire. Il ne mesure pas la parole de ses faits. Tandis que celui qui est mutma'in, il est rempli de tranquillité, de quiétude, même s'il est énervé, même s'il il entend une parole qui... Tu vas le voir avec un comportement... adib, un comportement tayyib, jayyid, il va se calmer et il va mesurer ce qu'il va dire en fonction du temps. C'est-à-dire, il ne va pas se précipiter à venir à parler comme tout un chacun il pourrait faire. Non, mais il va voir plus loin que ça. Est-ce que si je parle, il y a une fa'ida ? Est-ce que si je parle, ça va être dans mon utilité ou contre moi ? Naam. Fa hadhihi min as-sifat al-hamida. وكفاكم شرفا ان الله سبحانه وتعالى يحبهما et ça suffit pour montrer l'importance de ces deux qualités, c'est-à-dire la douceur et la quiétude, pour comme quoi Allah سبحانه وتعالى il aime ces caractéristiques là. فالانسان الذي تزوج مثلا, celui qui est marié, il a besoin de حلم. المرأة تحتاج الى حلم, إلى هدوء وكذا, وتحتاج إلى ماذا أنا, parce que sinon تطلق, tu vas divorcer, أو ربما ستسيء إليها, تظلمها, عرفتم. لكن إذا كان المعاملة بالحلم والأنا خلاص زالت كثير من المشاكل. الأخ ولا وأخي نفس الكلام, Al-akh wa akhi. Yani la femme, yani elle a besoin, par exemple, si pour un couple, c'est impératif qu'il y ait entre eux ce genre de comportement. La douceur, ainsi que le recul, la tranquillité. Parce que sinon, c'est rapide, yani rapidement, la femme, elle se fait divorcer s'il n'y a pas de. Si le mari, il est musta'jil, munfa'il. C'est quelqu'un qui se précipite. Et la précipitation, comme vous le savez, min man, min al-shaytan. Fa'idan, hada al-isti'jal min al-shaytan. Fa'tani min man. من الله عز وجل وجاء في حديث سيفيني dans un hadith d'un sanad authentique où le prophète صلى الله عليه وسلم dit التأني من الله عز وجل le fait de prendre du recul et de faire les choses avec apaisement ça vient d'Allah عز وجل انظروا السكينة والرفق والتؤدة والأناها كلها من عند الله عز وجل إن الله رفيق يحب الرفق الله سبحانه وتعالى يدو إلى من دوسر ماذا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ها فالسكينة من عند الله فكل ما يعمل الشخص بالسكينة والتؤدة والهدوء والوقار كل ما يحصل له البركة والهداية يعني من خير إلى أخيار يعني plus la personne elle œuvre avec sagesse et avec patience avec avec un certain recul plus Allah subhanahu wa ta'ala il la wafaq il lui met de la baraka dans son affaire et en plus il la guide d'un bien vers un meilleur il la guide d'un bien vers un meilleur fa al hilm wal ina يعني من الصفات الحميدة والاستعجال من الشيطان طيب الاستعجال من الشيطان مطلقا عندك يا محمد الاستعجال من الشيطان مطلقا est-ce que la précipitation elle provient de شيطان يعني totalement لا عندك دليل يا صاحبي عندك دليل جميل هذه جميلة جميل طيب من عنده غيره كيسك يا نو الدليل في الأعمال إيش أي عمل؟ العمل حق ال أيوة الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة نعم فالأعمال الصالحة يعني يسن أن تستعجلوا إليها c'est une bonne chose c'est-à-dire au sujet des œuvres pieuses de le fait de se précipiter vers elles نعم وسارعوا إلى مغفرة يعني précipitez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala il demande précipitez-vous. نعم. فهذا يعني الاستعجال يعني مذموم لكن ليس على الإطلاق. الاستعجال c'est blâmable mais c'est pas على الإطلاق. Et quand on dit le fait de se précipiter vers les bonnes œuvres, c'est pas toutes les bonnes œuvres vers lesquelles tu te précipites. فهناك أمور فيها خير وفيها شر لابد من الهدوء مثلا تصلي استخارة وهذا تؤده ça ça fait partie de du recul fait de voir les choses il y a des يعني مثلا إذا تعرف أن العمل الصالحة هذه هي خير محض ليس فيها شر فاقبل بكل شجاعتك وبسالتك Si tu sais que l'œuvre pieuse que tu dois faire, elle ne contient que du bien. C'est un khair mahab. ليس فيها أي شيء من الشر فلك أن تسرع تسرع إليه il t'est permis alors de te précipiter vers elle. Mais s'il y a du char, fille, alors là, tu te dois de patienter. مثلاً, الجرح والتعديل. الجرح والتعديل. هذا خير محض ولا في شيء من الشر. في شيء من الشر لأنك ستتكلم في واحد ربما من المسلمين ربما من أهل السنة عرفت في شيء من الشر فهذا ما تعجل يعني مباشرة تدخل فيه وخلاص دك بل تتأنى حتى تشوف الموضوع كيف يعني ينبغي عليك أن تعالج الأمر كذلك في مسائل أخرى فيها خير وفيها شر الزواج فيها خير وكذلك ربما فيها شر إذا حصلت على امرأة يعني فاسقة فاجرة فيها شر ها فالإنسان ما يستعجل وخلاص هذا خير ويدخل ويغمض عينيه يفهم ليزيو يفونس نو بل يلزم الهدوء والسكينة والوقار ويعمل بهدية النبي صلى الله عليه وسلم بهداية النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الاستخارة ويقدم بعد ذلك نعم ماذا قال الشيخ العثيمين في هذا قال والله سبحانه وتعالى يحب هذين الخلقين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله يحبهما. Donc Allah سبحانه وتعالى il aime ces deux caractéristiques qui sont. يا خنا موسى. C'est quoi les deux caractéristiques؟ الحلم والأنا. نعم. الحلم والأنا. طيب. وقال وفي رواية يعني الحلم c'est la douceur. الأنا c'est la quiétude ainsi que le recul. نعم. وفي رواية قال يا رسول الله أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما سبحان الله donc ce compagnon il dit ô messager d'Allah est-ce que ces deux comportements que j'ai acquéris avec le temps ou ces deux comportements ils étaient en moi depuis ma prime depuis que je suis né يعني c'est des choses qu'Allah il a ancré en moi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جبلك الله عليهما. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit non en fait c'est des choses c'est des comportements qu'Allah il a ancré en toi depuis que tu es venu au monde. نعم. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. Et donc il a loué Allah عز وجل celui qu'il l'a fait ainsi, qu'il l'a fait ainsi, c'est-à-dire qu'il lui a ancré en lui ces deux comportements louables. نعم. وهذا فرح بنعمة الله عز وجل. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen commente ce passage-là. Il dit que le fait qu'il ait loué Allah عز وجل, c'est parce qu'il était content. Du bienfait d'Allah Azza wa Jal. Naam. Naam. Al-Muhim, al-Hadith, nastafid minhu, annahu yanbaghi ala al-mu'min, an yatakhallaq bi hadaini al-khuluqayni al-azimayn. Donc, on profite de ce hadith qu'il est important pour le muslim qu'il fasse preuve dans son comportement de hilm. Et de Anna, de douceur et de quiétude. Non.